Après que Lady Macbeth a drogué les gardes du roi, Macbeth tue le roi en le poignardant. Il se présente à Lady Macbeth, les mains ensanglantées et affligées de ce qu'il vient de commettre, car dit-il, désormais, Macbeth ne dormira plus. Et comme il refuse d'aller barbouiller de sang les gardes et de remettre en place les poignards, Lady Macbeth s'en charge, afin de les innocenter, elle et lui. Macbeth, alors, se lamente sur ses propres mains. Quelles sont ces mains-là? Ah, elles m'arrachent les yeux. Tout l'océan du grand Neptune suffira-t-il à laver ce sang de ma main? Non, c'est plutôt ma main qui donnerait son incarnat aux vagues innombrables en faisant de l'eau verte un flot rouge. Rentre Lady Macbeth. Mes mains ont la couleur des vôtres, mais j'aurais honte d'avoir le cœur aussi blême. Mettez votre robe de nuit. Retirons-nous dans notre chambre, de peur qu'un accident ne nous appelle et ne montre que nous avons veillé.